ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour me sauver. Quelle joie, oh, quelle joie tu vas Jésus, nous te levons ce matin, Seigneur, parce que tu es digne d'être élevé. Tu es celui-là qui nous a donné la vie. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi Laura? On veut danser pour celui-là qui a laissé son trône, qui est descendu pour que nous ayons la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois ce matin? Gloire à Jésus. Je se lève. Quelle joie, oh, quelle joie tu vas, oh, tu viens, je loue ton nom éternel. Sur la terre, Seigneur. Priez pour nous. miséricorde. Remercie le Seigneur. Ferme les yeux. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons pour ta grâce, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle, pour ton Fils unique que tu as envoyé pour nous sauver. Et ce matin, nous sommes ici pour te glorifier, pour élever ton nom. Seigneur, bénis-nous ce matin par cette parole que tu as préparée pour chaque personne ici. Seigneur, que nous sortons de cette salle bénie, changée et oint, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes en train de parler de honorer les pères. Alléluia. Amen. Et la semaine passée, on a promis de préparer une offrande pour honorer nos pères. Alléluia. Est-ce que on a préparé ces offrandes? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as préparé une offrande pour honorer le Père? Yeah. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons voir quelque chose. Alléluia. Les différents types de pères. Alléluia. Les différents types de pères. Les 9 différents pères. Alléluia. Que nous pouvons avoir. Alléluia. Dans Luc chapitre 11, verset 2. Dans Luc 11, verset 2, la Bible nous parle de la prière de Jésus. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Il dit, lorsque tu pries, prie notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. Jésus veut nous rappeler que nous avons un Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Et donc, cela veut dire que, et tu sais que tu as ton père biologique. Donc, pourquoi il fait allusion au père qui est aux cieux? Alléluia. Cela veut dire qu'il y a différents types de pères. Et donc, ce matin, nous allons voir ces types de pères. Alléluia. Et je pense que 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 4, verset 15. Où sont les autres? Ah, je n'aime pas commencer lorsque les autres ne sont pas là. Parce qu'ils vont manquer. Ils vont rater le commencement. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Car c'est pour chapitre 15, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Ici, Paul est en train de parler du fait que c'est lui qui a engendré, c'est lui qui a mis au monde. Alléluia. Les Corinthiens. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là-bas un père, un type de père. Alléluia. Donc, on a plusieurs pères. Et ici, la Bible nous dit, on a beaucoup de maîtres, mais peu de pères. Alléluia. Peu de pères. Amen. Et donc, nous voulons voir le premier type de père. C'est ton père biologique. Alléluia. Ton père biologique, la personne qui t'a mis au monde. Alléluia. Et même ça, c'est le premier type de père. Et il est très, très, très important dans ta vie. Alléluia. Vous allez réaliser que les enfants qui ont un père qui est dans la maison sont élevés différemment des enfants qui n'ont pas un père à la maison. Alléluia. Donc, tu vois l'influence d'un père sur les enfants. Alléluia. Et ce père peut être une bénédiction pour toi ou bien une malédiction, dépendant de la relation que tu as à ce père. Alléluia. Et donc, ce matin, je vais te dire que ton père biologique est très, très important dans ta vie. Tu ne peux jamais ignorer ton père dans ta vie. Alléluia. Amen. Yeah. Ton père est très, très important pour ton futur. Amen. Tu ne peux pas juste désobéir à ton père biologique. Tu ne peux pas dire n'importe quoi à ton père biologique. Alléluia. Tu ne peux pas sous-estimer son autorité sur ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Yeah, le père biologique. Amen. La Bible dit d'obéir. Alléluia. Dans Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, est-ce qu'on peut... Éphésiens chapitre 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Donc tout le monde lit. On commence 1, 2. Éphésiens 6, chapitre 6, verset 1. Enfin, verset 2. Verset 3. Alléluia! Yeah. Dis, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia! Yeah. Ta joie dans cette vie dépend de l'obéissance que tu donnes à ton père. Alléluia! Dépend de l'honneur que tu donnes à ton père, ou bien tu fais à ton père. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Yeah. Ta joie hein? et la durée de ta vie sur la terre dépend des mêmes choses, de l'honneur et de l'obéissance que tu as pour ton père. Biologique. Alléluia! Yeah. Je sais que il y a certains qui n'ont pas de bonne relation avec leur père. Ici, la Bible, est-ce que vous avez vu, la Bible dit que obéissez à vos parents qui ont payé la scolarité. Yeah. N'a pas dit ça. Mais à ton père, quel que soit le père. Yeah. Quel que soit le père. Je sais, oui, c'est la réalité que il y a des pères qui ont créé beaucoup de problèmes pour les enfants, la famille, tout ça là. Mais Dieu n'a pas spécifié. N'a pas dit à un bon père, au bon parent, honore ton bon père et ta bonne mère. Honore ton père qui a pris soin de toi. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Je sais qu'il y a des enfants qui insultent leurs parents. Ça, c'est une grande malédiction pour toi. Yeah. Yeah. Chaque fois, je dis à mon petit frère, fais tout et tout pour que mon papa ne te dise rien de mauvais. Yeah. Ce que le père dit, si le père ouvre la bouche, c'est une bonne, ça peut être une bénédiction ou bien une malédiction. Yeah. Donc fais tout et tout que ton père dise de bonnes choses envers toi et sur ta vie. Alléluia. Yeah. L'évêque nous a donné un exemple de deux filles, jeunes filles, alléluia, qui ont désobéi à leur papa et l'une de ses filles et qui sont mortes très jeunes, sont décédées très jeunes. Et l'une de ses filles, hein, voulait se marier à un gars et le papa a dit non. Non, je ne veux pas. Alléluia. Et je pense que comment on dit, une leçon pour vous. Les gens qui désobéissent. Papa dit non, et tu dis oh non, j'aime, c'est l'amour, c'est l'amour. Est-ce que tu connais l'amour? Alléluia. Yeah, papa dit non, tu dis non, c'est lui que je veux. C'est à lui que je veux passer le reste de ma vie. Alléluia. Faites attention lorsque les parents disent non. Faites attention. Donc, cette jeune fille voulait se marier à un gars et le père a dit non. Le père a refusé. Alléluia. Et elle, hein, s'est mariée sans même, le parent, papa ne savait même pas. Elle s'est mariée. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, tu ne peux pas te marier à Accra et tes parents sont au Congo et ne savent pas. Ah, tu ne peux pas. Ici, on ne va même pas te permettre. Alléluia. Donc, cette jeune fille s'est mariée sans. Et après quelques mois, bien quelques années, ou bien après peu de temps, elle est devenue malade. Yeah. L'évêque a dit que une maladie étrangère, ou bien étrange. Et lorsque on la voyait sur le lit de l'hôpital, les gens ont peur d'elle à cause de la maladie. Yeah. Bizarre, maladie bizarre. Bizarre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, le papa est puissant. Yeah. Les paroles de papa sont puissantes. Yeah. Pour te bénir ou bien pour te maudire. Yeah, ce n'est pas papa qui a fait. Ce n'est pas les pères qui a fait. C'est Dieu qui a donné l'autorité au papa. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ton père biologique est très, très important pour ta vie. Et ceux qui n'ont pas de bonnes relations, essaie d'avoir une bonne relation avec ton père. Fais tout et tout. Alléluia. Même s'il refuse de ta part, tu as une bonne relation. Tu n'as rien contre lui. Ne critique pas papa, parce que lorsque tu critiques papa, ce dont tu critiques papa va t'arriver. Yeah, tu vas faire les mêmes choses. Yeah, tu vas faire les mêmes choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis en train de vous montrer l'importance de papa. L'importance de papa. Alléluia. Noé et son fils Cham. C'est Cham. Yeah, Cham. Un maudit Cham. Il a seulement quelques mots. Tu seras le serviteur des serviteurs. Yeah. Tu vas servir le serviteur. Quel que soit ce que tu fais. Yeah. Alléluia. Il y a une fille, sa maman a dit, tu vas vendre de l'arachide. Yeah. Testimony. Testimony. Tu vas vendre de l'arachide. Vous connaissez l'arachide. Yeah. Granote. Yeah, granote. Granote. Oh, elle a commencé désobéissance. Elle a eu son diplôme, licence. Je passe en droit bien quoi. En droit. Oh. Parce que oh non, moi j'ai la licence, je suis à l'université. Oh. Maman, va-t'en. Après tout, après la licence, après le diplôme, elle est en train de vendre l'arachide. Yeah. sont des réalités. Oh. C'est ici au Ghana, c'est pas des histoires qu'on a écrites dans un cahier quelque part ou bien dans un livre. C'est pas une histoire, un roman qu'on a lu, non. Ce sont des choses réelles ici au Ghana qu'on est en train de vous dire. Et je pense que certains d'entre vous, il y a quelque chose, difficulté que tu as à cause de la désobéissance qui a commencé. Yeah. Une malédiction qui a commencé. C'est de régler ça pour le moment. Pour que Dieu enlève cette malédiction. Alléluia. Non, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. S'il vous plaît. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Pourquoi tu es au Ghana? Tu es au Ghana parce que tu veux être heureux dans la vie. Ou bien, yeah, tu veux avoir tout ce qui va te donner la joie, la liberté dans la vie. Alléluia. Yeah. Donc, que tu sois heureux, ça c'est grande chose. Oh. C'est profond, heureux. Si tu fais une analyse de heureux là, sois heureux. Tu vas voir que, heureux là. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec heureux. Yeah. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Yeah. C'est la raison pour laquelle. C'est pourquoi lorsque tu veux te marier à quelqu'un, tu es en train de... Est-ce que la personne va me donner la joie? C'est la première chose. Est-ce que ce diplôme, un jour, je peux avoir un bon travail qui va me payer beaucoup d'argent pour que j'ai... pour me donner la joie? Ou bien, je veux voir, je vais aller en France au moins... Là-bas, le système est bon, je peux avoir un bon travail, je veux gagner le euro. Je veux construire une maison où c'est climatisé, j'ai la joie. Alléluia. Ou bien, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Que tu sois heureux. Alléluia. Et que tu vives longtemps. La longévité de ta vie dépend de l'obéissance que tu donnes à tes parents. De l'honneur que tu donnes. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ton père biologique, si tu as ton père biologique qui est en vie, s'il te plaît, s'il y a quelque chose qui ne va pas, appelle. Papa, j'ai tort. Je suis au téléphone maintenant, mais je suis à genoux ici pour te demander pardon. Yeah. Demander pardon. Alléluia. Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a un gars qui disait, il ne savait pas. Ok? Nous sommes ici à l'intérieur, nous sommes bénis. Quand on parle des choses très importantes pour nos vies. Il a dit que l'évêque a prêché sur les parents, sur son papa, parce qu'il n'avait pas une bonne relation avec son père. À l'université ici. À Légon. Et donc, il n'avait pas une bonne relation, il était désobéissant, tout ça là. Donc, après la prédication, il a réalisé que non, ce que je fais, c'est pas bon. Alléluia. Une fille. Donc, il a commencé une fille ou bien un garçon. Oui. Il a commencé à aller à son papa, essayer d'être obéissant, parler avec lui. Parce que avant, seulement, s'il veut parler à son papa, s'il a besoin d'argent. C'est la seule fois qu'il peut dire au papa, si il appelle papa, ok, tu as besoin de combien? C'est la seule raison pour laquelle il va à papa. Alléluia. Et donc, à un moment, il a appelé son papa. Il a dit, oh, c'est pour te dire bonjour. Allez, comment tu vas? Et le boulot, papa était surpris. Allez, amen. Tu vas bien? Tu as besoin d'argent? Il dit non, c'est seulement pour te dire bonjour. Papa était surpris. Donc, il a commencé à avoir cette relation, l'appeler. Avant, lorsqu'il revient de, il revenait de boulot. Lorsqu'il est à la maison, lorsqu'il attend que la voiture arrive, il va dans son char. Il ne veut pas voir papa. Donc, maintenant, il a commencé à rester et puis à parler avec lui. Lorsque papa est en train de manger, il est là, il discute avec son papa, comment le boulot, il parle beaucoup de choses. Papa était surpris. Alléluia. Papa était surpris. Donc, papa, il a réalisé qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, papa aussi, avec maintenant son cœur, est allé vers son fils ou bien sa fille. Et donc, papa maintenant a commencé à lui parler beaucoup de choses. À lui dire beaucoup, donner beaucoup de conseils. Et en plus, donner d'argent. L'argent qu'il donnait, il donnait beaucoup. I mean, il achète beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle, il y avait un gars qui disait que son papa lui achetait des voitures. Après ça, il achetait des voitures. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est l'opposé de la bénédiction de honorer et d'obéir. Alléluia. Il ne faut pas voir les papas comme des quoi? Est-ce que vous comprenez? Et il ne faut pas laisser maman, parce que parfois, c'est là même le problème commence. Maman nous parle de mauvaises choses concernant papa. Alors que tu ne comprends pas ce qui se passe entre les deux. Alléluia. Yeah, tu es enfin, est-ce que tu comprends? Lorsqu'ils se sont rencontrés, papa et maman, tout ce qui s'est passé avant ta naissance, jusqu'à, est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Donc fais attention lorsque peut-être maman te parle bien, papa te parle de quelque de non, ça te compte. Ok, qu'il n'y a pas de problème. Toi, ça ne te contente pas. Ça ne te concerne pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les parents ont un problème, ça ne te concerne pas. C'est vrai ou bien c'est faux? Il faut analyser, voir si tu es ici. Et puis, peut-être que maman t'a parlé mauvais de papa. Est-ce que vraiment ça te concerne? Est-ce que ça te concerne? Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Et à cause des choses qu'on entend là, on développe une mauvaise relation avec. Mauvaise impression des parents. Et ça nous empêche. Ça nous limite. Ça nous met dans un groupe de personnes maudites. Sans le savoir. Yeah. Alléluia. Donc ton père biologique est très très important. Yeah. Yeah. C'est à cause de la désobéissance. La Bible dit que ceux qui se moquent de leur père sont maudits. Yeah. Maudits. Et les oiseaux viendront à enlever vos yeux. Yes. Yeah. Alléluia. Yeah, je suis en train de demander l'importance de ton papa et de ta mère. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Yeah. Yeah. Papa important. Pas important. Il faut appeler. Il faut dire, ah, je suis désolé. C'est moi, je suis enfant, je ne comprenais pas. Parce que qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? C'est la philosophie qu'on t'enseigne à l'école. C'est l'informatique que tu es en train de faire que papa ne connaît pas ce qui est informatique. C'est à cause de cela que tu es en train de désobéir à papa. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Wow, qui est béni ce matin. Yeah. Deuxième type de père. Donc, on a père biologique. OK. Il y a beaucoup. Père biologique. OK, on a parlé de père céleste. Le père céleste. Luc 11, verset 2. Il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Yeah. Le Père céleste. Le Père céleste. Le Père biologique, le Père céleste. Alléluia. Ouais, le Père biologique ne dépend pas à le Père biologique ne dépend pas vraiment. La personne qui te met au monde, c'est la personne qui prend soin de toi. Alléluia. Yeah. C'est la personne de qui tu proviens. Je peux dire ça. Yeah. Tu ne peux pas choisir ton papa. Yeah. Tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce que ça va? Yeah. Dans le Père céleste. Amen. Yeah. Le Père céleste. Ça, c'est le deuxième type. Troisième type. OK. Après, avant, troisième, c'est Luc 15, verset 20. Luc 15. Luc 15, verset 20. OK. « Et se leva, alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau en doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car le fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Là, ça c'est père biologique. Alléluia. Le père biologique ne va jamais vous abandonner. Alléluia. Amen. Yeah. Troisième type, le père en Christ. Alléluia. Le père en Christ. C'est la personne qui vous a amené à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. La personne qui t'a parlé de Jésus, qui t'a parlé du salut, et tu as dit, ok, je crois, je vais donner ma vie à Christ. C'est ton père en Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu te rappelles de la personne? Tu te rappelles de la personne qui t'a parlé? Yeah, c'est un père. C'est un père. Est-ce que vous comprenez maintenant? Comprenez maintenant? J'ai lu un verset au commencement. C'est quel verset? 1 Corinthiens 4, verset 15. Il dit quoi? Je vous ai engendré en Jésus-Christ. Yeah, je vous ai engendré. Donc, c'est la personne qui t'a engendré, qui t'a mis au monde. La nouvelle naissance. Alléluia. Yeah. Et puis, le père dans le ministère. Alléluia. Le père dans le ministère. C'est la personne qui t'aide à faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est la personne qui te montre, fais ça, prends soin des brebis, prier, va évangéliser et fais tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. La personne est ton père dans le ministère. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah, ça, c'est le type de père. OK? Et puis, il y a le père substitué. OK? Le père substitué, c'est lorsque le père biologique n'est pas là. La personne qui prend le relais, c'est le père substitué. Peut-être c'est le mari de ta mère, qu'on appelle quoi? Beau-père. Moi, j'ai un problème avec ça. Ton beau-père, alléluia, le mari de ta mère, ou bien ton oncle, bien ta tante, bien quelqu'un, ton frère, que papa n'est pas là, mais c'est celui qui a pris le relais et qui prend soin de toi. Alléluia. Il ne faut pas l'ignorer, il faut l'honorer. Alléluia. Et puis le père de ta femme, c'est ton beau-père aussi. Le père de ta femme. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 1. Exode. OK? Le père de ta femme. OK, il y a un exemple là-bas. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Alléluia. Donc ça, c'est un type de père. Il devient ton père. Donc, mais c'est ton beau-père. Alléluia. Et les beaux-pères sont des bénédictions. Alléluia. Si ce n'était pas lui, tu n'auras pas la femme ou bien le mari. Donc, c'est à cause de lui que tu as la femme bien ton mari. Alléluia. Donc, il ne faut pas ignorer, il faut les honorer. Alléluia. Amen. Et puis, on a le père d'une église. Alléluia. Le père d'une église. Amen. Yeah, le père d'une église. Alléluia. C'est la personne qui a fondé, bien commencer l'église. Alléluia. Yeah. Lorsque tu parles Lighthouse, notre père, c'est Doug. Alléluia. Doug Herod Mills, l'évêque Doug Herod Mills. Alléluia. Et c'est lui que nous honorons aujourd'hui. Alléluia. Son anniversaire arrive. Alléluia. Le 14 mai. La semaine prochaine. Alléluia. Et donc, nous profitons de cet anniversaire pour l'honorer. Alléluia. Yeah, parce que la Bible nous demande, obéissez, honorez le Père et la Mère. Et il est un type de Père pour nous. Le Père spirituel pour nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Wow. Wow. Pourquoi il est le Père pour cette église? Il a fondé l'église. Yeah. Il a fondé l'église. Alléluia. Il a obéi à Dieu pour que nous soyons ici. Sans lui, on ne peut pas être ici. Alléluia. Et il nous enseigne sur tout ce qui concerne la vie. Yeah. Il nous montre quoi faire, où aller. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quoi faire, où aller? Quoi ne pas faire? Quoi ne pas? Forgive. Alléluia. Yeah. Et on voit ça dans les livres qu'il a écrits, dans les messages qu'il prêche. Est-ce que vous comprenez? De la nouvelle naissance, du salut, il a écrit un livre qui parle du salut. Comment être sauvé? Comment aller au ciel? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Comment aller au ciel? Et puis après, il a écrit un autre livre. Comment grandir comme un chrétien? C'est comme il est en train de prendre soin de nous. Parce que c'est à cause de lui, nous sommes nés de nouveau en Christ. Et maintenant, il nous montre comment grandir comme chrétien. Les sept grands principes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, il a écrit un livre pour nous montrer comment ne pas regarder. Comment ne pas retourner dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, comment ne pas retourner dans le monde? Et il nous montre que lorsque tu retournes dans le monde, c'est comme un chien qui a craché et qui part. Après quelques minutes, il vient et puis lâche. Yeah, lorsque tu retournes dans le monde, après avoir été né de nouveau. Alléluia. Yeah. Yeah. Il nous a montré pourquoi payer ta dîme. Payer ton offrande. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Il nous montre comment ne pas oublier d'où tu viens. Comment ne pas oublier? Parce que lorsque tu oublies, tu risques d'y retourner. Yeah. Et lorsque tu oublies, tu risques de ne pas être reconnaissant envers Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Il a écrit un livre sur l'humilité. Parce que la Bible dit que c'est l'humilité qui amène la promotion. Yeah. L'humilité. L'orgueil plutôt nous fait rabaisser, nous rabaisse. Et Dieu même nous résiste. Alléluia. Yeah. Il a écrit un livre sur la dualité. Après avoir été chrétien, ne vis pas une double vie. Lorsque tu es à l'église, tu es Polish. Polish en français, c'est comment? Si tu es ciré, nettoyé. Hein? Les femmes ont l'habitude de cirer leur visage. Okay. Alléluia. Mais lorsque tu sors de l'église à la maison, on ne te reconnaît pas. Ça, c'est dualité. Alléluia. Yeah. Il a écrit l'art d'entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu? Comment reconnaître la volonté de Dieu? Il a écrit un livre pour nous aider. Est-ce que ce n'est pas un père? Yeah. Il a écrit un livre sur le mariage. Yeah. Le mariage. Qu'est-ce qu'il compte? Un gros livre. Un gros. Vous avez une copie ici? C'est fini. Vous avez acheté tous les livres de Dieu. jour, l'évêque a dit quelque chose. Il a dit qu'à la maison, un jour, sa fille, hein, sa première fille, est venue lui poser la question. Comment est-ce que les femmes mettent au monde, comment est-ce que les femmes deviennent grosses, la grossesse, deviennent enceintes? Yeah. Il a dit, oh, c'est Dieu qui les... c'est le Saint-Esprit. La fille a dit, oh, je sais que c'est Dieu, c'est, mais comment? What a question. Comment c'est, oui, je sais que c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu, tout ça là, mais comment? Pratiquement comment? Hey! Je vais. L'évêque a dit qu'il avait chaud. Il a essayé de dire quelque chose et puis il a changé le sujet. Mais après, il s'est dit, ah. Donc après, il dit que sa femme lui a dit, oh. La femme lui a dit, ah, maintenant tu dois parler à tes enfants de sexe. Hein? Pour lui parler. Il a dit, mais c'est toi qui dois parler. c'est toi qui es maman, tu parles avec chaque jour. Il faut parler. Il dit, non, mais c'est toi qui es le père, c'est toi qui es la tête de la famille. Donc, c'est toi qui dois parler. Il dit, oh, ouais, moi, c'est moi qui ai la tête, mais moi, je te délègue. Délégué. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Nos pères biologiques, il y a certains sujets, nos pères biologiques n'arrivent pas à nous, ne peuvent pas nous enseigner sur le sexe. N'arrivent pas. C'est difficile. Yeah. Le père même n'arrive pas à nous montrer qui choisir comme époux bien mari. Yeah. N'arrive pas. Ou bien? Yeah. N'arrive pas. Mais lorsque tu viens à l'église, on t'enseigne. Tu parles à un pasteur. Oh, j'ai vu cette fille. Comment? Aide-moi. Donne-moi des conseils. Alléluia. Mais l'évêque a même écrit un livre pour te montrer. La plupart des parents, les parents n'enseignent pas comment se comporter dans le mariage. Ils parlent de leur. Ils parfois nous disent même de mauvaises choses. Yeah. Des mauvaises choses. Yeah. Il y a une mère qui disait à sa fille, va voir. Les hommes sont les mêmes, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Est-ce que c'est un bon conseil? Non. Mais à l'église, tu viens, il y a un père qui est là, qui peut te parler de mariage, qui te parler de sexe, qui te parler de comment se comporter dans le mariage, qui te parler de, bien, il faut apprendre à préparer de la nourriture. Yeah. Je sais que certains d'entre vous n'avez pas pensé à ça, mais lorsque j'ai commencé à parler de ça, vous avez commencé à apprendre comment préparer. Yeah. Certains d'entre vous avez enlevé de vos têtes que, oh, lorsque je me marie, on va aller à Papaye, on va aller à Thiès, on va aller ici. Yeah. Les hommes, il faut... Les hommes, l'une des choses que vous devez, il faut manger la nourriture qu'elle a préparée. Il faut manger. Si c'est pas de l'eau, bien de. Avant de proposer. Yeah. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui ne savent pas comment préparer. Yeah. Yeah. Ça, c'est une condition parce que tu vas te marier et tu auras faim chaque jour. Hein? Chaque jour, tu vas avoir faim. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On a un père qui nous montre quoi faire dans tout aspect. Nos fils, il a parlé de frugalité. C'était notre vous, le Wester, c'est fini, hein? Aujourd'hui, c'est le combien? Le 3. Hier, ça a fini. Ça a fini hier. Vous avez fini tout. Mais tu viens à l'église, il y a un père qui te montre la frugalité. Comment être frugal? Comment ne pas dépenser n'importe comment ton argent? Yeah. Est-ce que ce n'est pas un père? Est-ce que ce n'est pas un père que tu dois honorer? Ah! Mon frère. Mon frère. Yeah. Et les livres sont là. Oh. Les livres sont là. Un père qui nous enseigne sur la sagesse. Yeah, la sagesse. Le dimanche passé, le message qu'il a prêché. C'est pour nous les jeunes, oh. C'est pour nous les jeunes. Yeah. Surtout nous, les jeunes. Yeah. Il a dit que le témoignage de quelqu'un, c'est ta leçon. C'est ta sagesse. Tu ne dois pas aller expérimenter avant de réaliser que, ah, l'évêque a déjà parlé de ça. Un témoignage. Un témoignage. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Un témoignage. Un témoignage. Un jour, il y avait un gars. Maintenant, il est chrétien. Et il dit qu'avant, il y avait une copine. Yeah. Ça, c'est un témoignage. C'est ton témoignage. Pour t'aider à être sage. À être sage. Yeah. Et puis après quelques années, ils ont perdu contact. Et puis un jour, le gars, la fille a appelé. Oh! La fille pleurait au téléphone. Pleurait, oh, j'ai besoin de... Tu me manques depuis là, je veux te voir. Je veux te voir pleurer beaucoup. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je veux te voir. Le gars a dit, non, non, non, non, non, non. Il dit, non, non, non. Et vous savez, les femmes, l'une des choses qu'ils utilisent pour nous avoir sont les larmes. Lorsqu'un homme voit une femme pleurer là, le cœur, le cœur, on les appelle les fausses larmes. Yeah, fausses larmes. Si tu es un homme, ne laisse pas les larmes d'une femme. Soit un facteur de décision pour toi. Yeah. Tu ne peux pas décider avec les larmes. Parce que parfois ça coule, parfois ça ne coule pas. Donc c'est instable. Donc tu ne peux pas utiliser ça. On utilise seulement la parole de Dieu qui est stable. Qui est... Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc le gars, elle dit, ok, viens, viens. Donc le gars, très chaud, à midi. La fille est arrivée à la maison. Le gars a dit, lorsque la fille est arrivée, la manière dont la fille s'est habillée. My God, what a shock. Donc, la fille est arrivée. Elle dit, ok, il n'y a pas de... un jeune gars étudiant, il n'y a pas de chaise. Il y a seulement le lit. Oh. Alléluia. Yeah, et puis... Pardon? Alléluia. Donc la fille est arrivée avec cette apparence. Le gars avait chaud. Le gars m'a appelé, a dit, pasteur. C'est pas une histoire, c'est quelque chose qui... Le gars m'a appelé. C'était ma vraie vie. Il m'a dit, pasteur. Si ce n'était pas Christ. Yeah. Parce que la fille est arrivée. Et puis vous savez, l'intention déjà. Yeah. À un moment donné, le gars a dit, non, sors de la chambre. Sors! Il a fermé les yeux. Il a dit, c'est à cause de Christ. À cause de Christ. À cause de Christ. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, nous avons un Père qui nous montre comment échapper les tentations, comment les éviter. Alléluia. Il a parlé de la fornication. Alléluia. Et donc, nous avons beaucoup de raisons pour l'honorer ce matin. Alléluia. Yeah. On a beaucoup de types de pères. Et ces pères, on doit les honorer. Et nous, pour ce mois de mai, nous avons un père que nous devons honorer. On a une bonne occasion, son anniversaire, pour l'honorer. Et je pense que le Seigneur va nous donner toujours la joie. On aura toujours la joie. Nos vies seront prolongées. Alléluia. On va vivre longtemps et nous serons bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Levez-vous. Levez-vous. Alléluia. Hey, oh, come and save you. Il vient pour me délivrer. Levons nos mains vers lui. Il nous relèvera. Il vient pour nous sauver. Il vient pour nous sauver. Remercier le Seigneur ce matin pour les différents types de pères. Remercie le Seigneur pour ton père biologique, ton père en Christ, ton père dans le ministère, ton père substitué, ton beau-père, ton père céleste. Remercie le Seigneur pour ton père, le père de l'église, le père de l'église. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour l'évêque d'Akhirmir qui est le père de cette église, qui est le père pour nous, qui nous a montré beaucoup de choses, qui nous a enseigné beaucoup de choses que le père biologique ne nous a pas enseigné, qui nous a montré la voie vers le ciel, qui nous a montré comment vivre comme un chrétien, qui nous a montré comment se comporter dans le mariage, il nous a montré comment se marier, comment identifier la bonne personne, il nous a enseigné les différents types de femmes, il nous a montré beaucoup de choses, Seigneur. Oh Seigneur, nous te remercions pour sa vie, Seigneur. Il a été une bénédiction pour nous. L'onction qui est sur sa vie nous a bénis. et nous bénit chaque jour. Il nous accentue la sagesse. La sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu es ici, fermez les yeux, tout le monde. Fermez les yeux. Si tu es ici, tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas le salut. Peut-être qu'on t'a invité. Ou tu viens déjà. Mais tu n'as pas pris une décision pour donner ta vie à Dieu. La Bible dit qu'à moins que tu ne donnes ta vie à Dieu, tu ne verras pas le royaume des cieux. Donc ce matin, tu réalises que tu as besoin de lui. Et si tu es là, tu veux que nous prions pour toi. Tu veux prier pour recevoir le salut. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Le ciel et l'enfer sont réels. Un jour, tout ce que nous voyons va disparaître. Nous-mêmes, nous ne serons pas ici. On connaît beaucoup de personnes qui ne sont plus avec nous. La question est, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont au ciel ou bien sûr dans l'enfer? Et la question à toi-même, où est-ce que je serai si Jésus vient aujourd'hui? Demain, bien le lendemain, si Jésus vient, où est-ce que je serai? Est-ce que je vais aller au ciel ou bien je vais aller dans l'enfer? Si tu n'es pas sûr, tu peux être sûr ce matin. Lève la main, on va prier une prière et tu vas recevoir le Seigneur. Jésus, lève la main. Si tu es là, peut-être que ton cœur est en train de se battre. Tu sais que c'est toi, tu n'es pas sûr. Tu veux dire non, c'est pas aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui pour toi. Le Seigneur te bat. La vie qui frappe la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur pour lui ce matin. Tu es là. Donne ta vie à Dieu ce matin. Le Seigneur veut te sauver de l'enfer. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta destinée si tu es là. Lève la main pour recevoir le salut ce matin. Est-ce que quelqu'un a levé ta main? Je ne vois pas la main. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Seigneur, merci ce matin. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen.